Black et Brown. Non, tous les ghettos de France, on chante l'espoir. Yeah. Tu le sais. Ghetto, enfant du ghetto. Je te parle pas du Bronx ni de son ghetto. Ghetto, enfant du ghetto. Les poings se lèvent pendant que je fais vibrer la dance soul. Ghetto, enfant du ghetto. Je te parle pas du Bronx ni de son ghetto. Ghetto, enfant du ghetto. Maintenant, banlieue ou la merde de la lame. Je vois la rue comme un champ de mine. Des noirs et des beurs qui tombent et se noient dans des bains de sang. La routine, j'imagine la fin du film. Des mères en sanglots, des émeutes dans tous les angles. Chante espoir sur la platine, c'est la crise qui tue tant d'hommes. Et les flics ont bousillé tant d'âmes. Ce qui va se passer, classé hors norme. Le ghetto veut vivre libre. On est mal barré, faudrait-il stopper avec cette utopie? Moi j'y crois et je donne la force. Un brin d'espoir dans un zeste de mélancolie. Je suis un mec du peuple, je connais les causes de ces voitures en feu. Les raisons de ces émeutes et de ces révoltes face aux agents. Cette abondance d'illicite. Et je peux dire que peu de dealers ou de braqueurs s'en félicitent. C'est tout ce qu'il y a comme solution. On veut tous briller, négro, mais à quel prix? Ghetto, enfant du ghetto. Je te parle pas du Bronx ni de son ghetto. Ghetto, enfant du ghetto. Les poings se lèvent pendant que je fais vibrer la dance soul. Ghetto, enfant du ghetto. Je te parle pas du Bronx ni de son ghetto. Ghetto, enfant du ghetto. Maintenant banlieue ou la merde colle à la peau. On m'a donné la parole, donc laissez-moi chanter. M'exprimer au nom des enfants des cités. La voix du ghetto, je me suis proclamé la voix d'un milieu défavorisé. Ghetto, enfant du ghetto. Je te parle pas du Bronx ni de Soweto. Ghetto, enfant du ghetto. Maintenant banlieue où la merde colle à la peau. Le mal de vivre reste permanent. Trouver les résolutions devient imminent. Et je me demande encore combien de temps avant que ne réagisse ce putain de gouvernement. Ça crame et le feu ne fait que s'attiser. Ça dégénère, vous étiez avisé. La faute si tout part en couille. Vous ramasserez les corps aux côtés des douilles. Ghetto, enfant du ghetto. Je te parle pas du Bronx ni de Soweto. Ghetto, enfant du ghetto. Les poings se lèvent pendant que je fais vibrer la dance soul. Ghetto, enfant du ghetto. Je te parle pas du Bronx ni de Soweto. Ghetto, enfant du ghetto. Maintenant banlieue où la merde colle à la peau. Que les pères et les mères du ghetto gardent espoir. Jeunes, prenons conscience qu'à nous sera la victoire. On a assez souffert dans ces cités dortoirs. L'heure de gloire est proche, bientôt la fin du cauchemar. Le ghetto pleure, mais il n'est jamais trop tard. Dans les blocs, ça fume et ça cogite, les mecs se couchent tard. Les flics circulent, les hommes s'effacent dans le blizzard. Quand ça va péter, faudra pas dire c'est bizarre. Ghetto, enfant du ghetto. On vient tendre la perche à ceux qui veulent se lancer. Ghetto, enfant du ghetto. On fait chanter, danser les désenchantés. Le poids des mots brise les murs du son. Pour une évasion de nos tours de béton. Des bas-fonds, des voix s'élèvent, des bras se lèvent, des poings se ferment, à nous la victoire. Ghetto, enfant du ghetto. Je te parle pas du Bronx ni de Soweto. Ghetto, enfant du ghetto. Les poings se lèvent pendant que je fais vibrer la dance soul. Ghetto, enfant du ghetto. Je te parle pas du Bronx ni de Soweto. Ghetto, enfant du ghetto. Maintenant banlieue où la merde colle à la peau. Se lève pendant que je fais vibrer la dance soul.